Le dépassement du bus est autorisé ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ? Oui, réponse C. Non, réponse D.